إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc, bismillah tabaraka wa ta'ala, nous remercions Allah de nous avoir facilité à terminer ce grand ouvrage de Cheikh Rabi' hafidhahullahu ta'ala. Nous arrivons au dernier hadith, c'est le hadith numéro 21. Al-hadith al-hadi wal-ishroun. Ahammiyatu hubbillahi wa hubbi rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Donc le hadith numéro 21, l'importance de l'amour d'Allah et l'amour de son messager sallallahu alayhi wa sallam. An Anas radiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. Donc, d'après Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit trois choses. Celui qui les aura rassemblés, réunis, aura goûté à la saveur de la foi. Qu'Allah et son messager soient les plus aimés auprès de lui que quiconque. Et qu'il aime la personne, qu'il aime son prochain, il ne l'aime que pour Allah. Et qu'il déteste retourner à la mécréance comme il détesterait être jeté dans le feu de l'enfer. Rapporté par Al-Bukhari, Muslim, Al-Tirmidhi et Ibn Majah. Rawi Al-Hadith, le rapporteur du Hadith. أنس بن مالك وقد تقدمت ترجمته في شرح الحديث رقم 7 أنس بن مالك on a déjà parlé de lui, ce noble compagnon, lors de l'explication du hadith numéro 7. المفردات vocabulaire. Comme d'habitude, souvent le mot, le shir va donner quelques synonymes pour rapprocher le sens. Et pour donner, des fois le mot, il peut être un mot qui n'est pas beaucoup employé, dur à comprendre, mais avec les synonymes, on va mieux le comprendre. Al-halawa, ladha, c'est la saveur. Wa bahja, donc la saveur de la foi. Halawatu, al-iman. Et on l'emploie aussi pour dire sucré. Hein, pour le sucre, quelque chose qui est sucré, on dit halawa. Et ici, c'est le voulu, hein, le goût de la foi, la saveur de la foi. Al-Iman, la foi. Huwa tasdiqun bil qalb. ونطق باللسان وعمل بالجوارح. Donc la foi, à sa définition religieuse, comporte trois choses. Une conviction du cœur, une formulation, prononciation de la langue et les œuvres des membres du corps. Ça, c'est la définition de Ahl Sunnah. Et cet ouvrage qui date depuis plusieurs décennies, on voit bien la définition qu'en donne le Cheikh Rabi'a Hafizahullah, qui ne sort pas de la définition connue chez Ahl Sunnah depuis les premières époques. Qu'Allah anéantisse les ennemis de la Sunnah. Et surtout, ceux qui sont infiltrés dans les rangs des salafis pour nuire à la salafia depuis l'intérieur. Lorsqu'ils ont vu qu'en étant à l'extérieur, on ne prêtait pas attention à eux, on ne leur prêtait pas oreille, on ne les écoutait pas, ils se font passer pour de fervents défenseurs de la salafie et de la sunna, qu'il n'y a pas plus clair et fort qu'eux dans le domaine. Tout ceci pourquoi ? Pour faire tomber la voix prophétique et la voix des pieux prédécesseurs, comme les hypocrites l'ont fait au sein de l'islam. Comme Abdullah ibn Saba, ce juif yéménite, qui fait montrer sa conversion à l'islam pour mieux nuire depuis l'intérieur. Car en tant que musulman, on lui prêtera oreille et on l'écoutera comme on écoute n'importe quel musulman. Et il est à la base même de l'idéologie des Khawarij, de l'idéologie des Shia, des Rawafid. Il s'est fait passer pour quelqu'un qui aime, qui a un amour fort pour la famille du prophète. Et que ce qu'il fait comme agissement, ce n'est que pour prendre la défense et venir en secours à la famille du prophète, alayhi salatu wassalam. Parce qu'il prétend qu'elle a été délaissée. Il prétend qu'elle a été lésée. On ne lui a pas donné sa véritable place. Des belles paroles mielleuses. Et dans l'éloquence, il y a de la sorcellerie, comme le dit le prophète, alayhi salatu wassalam. Combien sont des beaux parleurs ? Mais derrière, c'est le mal et le poison qui est caché. Ne vous attendez pas qu'on vous propose ou qu'on vous présente le faux comme faux, mais on vous le présente comme étant une vérité, comme étant le vrai. Le faux, il est bien emballé dans un beau paquet qui est beau à voir. La personne croit qu'on lui offre un beau cadeau, alors que c'est un cadeau empoisonné, wal'iyadhu billah. Et aussi, il a poussé les gens à parler sur les gouvernants de l'époque, parce que c'est les gens, lorsqu'on va leur dire vous avez été lésés, ou ils sont où vos droits, et ainsi de suite, beaucoup de gens vont tomber dedans. Alors que contrairement à cet homme mauvais, Anas ibn Malik, ce noble compagnon, radiallahu anhu, il dit, les grands parmi les compagnons nous ont conseillé de ne pas parler ouvertement sur les gouvernants. Il a une très belle parole qui va dans ce sens, radiallahu anhu. Voilà l'enseignement des compagnons et voilà l'enseignement de Abdullah ibn Saba. Et à chacun ses héritiers. Wallahu al-musta'an. Donc, il y a un Égyptien qui s'appelait Mahmoud al-Haddad, qui s'est introduit chez les gens de science et qui s'est fait passer pour quelqu'un qui a de la connaissance, alors que c'était un simple ouvrier en Arabie. Un simple ouvrier. Mais qui a un minimum de culture en arabe ou dans la religion, comme beaucoup de personnes dans les pays musulmans. Mais il ne fait pas partie du cercle des savants. Et il s'est fait passer pour un fervent défenseur de la salafia, jusqu'à remettre en cause l'intégrité de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, soi-disant au nom de la défense de la sunna, que c'est celui qui pratique le mieux les paroles des salafs. Et lorsqu'il y a eu un groupe qui s'est mis autour de lui, et ils se sont réunis à Médine, il leur a demandé de ramener des exemplaires de du commentaire de Al-Bukhari, de Al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani, et le commentaire de Sahih Muslim, de l'imam al-Nawawi, parce qu'il aurait reproché certaines erreurs dans le domaine de la croyance, alors il a dit qu'on n'a pas besoin de leurs travaux, ni de leurs livres, il faut les brûler. Ça a fait une fitna en Arabie. Qui a contré ce groupuscule? Ce n'est pas les frères musulmans, les soi-disant défenseurs des ulamas. Quels ulamas qu'ils défendent? C'est un leurre. C'est le siège qu'ils veulent seulement. Qui a mis un terme au trouble et à la discorde de Mahmoud al-Haddad, d'où le nom al-Haddadiyya, cet égyptien? Ce sont les ulamas de la sunna, les ulamas salafis de l'époque. Cheikh Al-Albani, Cheikh Ben Baz, Cheikh Rabi', Cheikh Mohamed Aman, Cheikh Hamad Al-Ansari. Ce sont ces grands hommes dans les années 90 qui ont mis un terme jusqu'à ce que Mahmoud Al-Haddad a été oublié et délaissé. Et il disait, pour se moquer de certains savants, qu'ils viennent s'asseoir auprès de mon épouse pour qu'elle leur donne des cours. Wal'iyadu billah. C'est ignorant. Puis d'autres personnes, quelques années plus tard, après la mort des grands savants, ils sont revenus avec la même façon de faire que Mahmoud al-Haddad. D'une manière ou d'une autre, ils ont remis à jour cette idéologie de l'Haddadiyya. Wal'iyadu billah. Et parmi les points sur lesquels ils mettent l'accent, ils ont des points sur lesquels ils mettent l'accent, sur Al-Udhr Bil-Jahl. Est-ce que la personne est excusée par son ignorance ou pas? Un sujet qui existe. Et les ulamas ont des avis qui diffèrent dans ce domaine. Mais ce sont les ulamas de la sunna. Et chacun a l'avis qu'il a là-dessus. Mais jamais, de ce point de vue, de ce sujet-là, ils critiquent l'autre. Ils ne sont pas d'accord sur ce point. Entre ceux qui disent que l'ignorance est une excuse, ceux qui ne la voient pas, ceux qui la détaillent, c'est des avis qui existent. Ça n'allait pas plus loin. Le sujet de l'abandon de la prière. Est-ce que celui qui ne prie pas par fainéantise, pas celui qui ne prie pas en rejetant l'obligation de la prière, ça c'est unanime chez les savants, son sort. Mais c'est celui qui la délaisse par fainéantise. Est-ce qu'il est toujours musulman ou pas? Depuis très longtemps, les savants ont divergé là-dessus, ont des opinions qui diffèrent. Ça n'allait pas plus loin que ça. Nul à n'aller dire ou taxer l'autre de quoi que ce soit. Eux, ils en ont fait un point essentiel pour dire que tous ceux qui ne voient pas leur point de vue, c'est un murji. De même pour le sujet d'avant, de Al-Udhr Bil-Jahl. Donc ceux qui mettent l'accent là-dessus, ils sont touchés de près ou de loin par cette idéologie-là. Ça ne vient pas du ulama de la sunna. Puis, la personne qui était celle qu'on s'attaquait le plus, c'était Cheikh Al-Albani, alayhi rahmatullah. Car c'était un rempart face à l'idéologie des takfiris des années 70, 80, 90. Il est l'un de ceux qui les a le plus contrés pour qu'au final, il le traite de murji. En mentant sur lui, en lui faisant dire ce qu'il n'a pas dit, en cherchant la petite bête dans ses audios. Puis, après cela, le temps passe et ils se sont attaqués à celui aussi, l'un de ceux qui les a plus contrés, le Cheikh Rabi', hafidhahullahu ta'ala. Puis c'est devenu la nouvelle proie pour dire de lui qu'il est murji. Puisque eux, ils ont ce problème de takfir, donc ils taxent celui qui n'est pas d'accord avec eux de l'autre extrême qui est al-irja. Lisez ce que les ulamas des premiers temps donnaient comme définition sur al-irja. Qu'est-ce que l'irja? Quels sont les points essentiels qui distinguent les murji'a? Et vous allez voir que le point essentiel qu'ils ont, c'est qu'ils sortent les œuvres de la définition de la foi. et les ulama de la sunna, ils disent que les œuvres font partie intégrante de la foi, comme on vient de le voir dans cette définition donnée par Cheikh Rabir, hafizahullah ta'ala. Ce sont des gens qui sont venus faire perdre le temps aux gens de la sunna, pour pas que les gens de la sunna s'occupent de l'essentiel, des ennemis de la sunna claire. Donc eux, ils entrent pour qu'on laisse de côté les véritables mubtadi' innovateurs et pour faire croire que les salafis s'occupent entre eux. Wal'iyadu billah. Mais alhamdulillah, quoi qu'ils rusent, quoi qu'ils font, Allah tabaraka wa ta'ala est au-dessus de tous. Et celui qui nous cache quoi que ce soit, c'est une histoire de temps seulement. Pendant un certain temps, qu'il soit court ou long, il sera dévoilé. Et en plus de cela, rien n'échappe à Allah Azza wa Jal. Ce que tu as voulu montrer, Allah, il connaît ta réalité. Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Donc il dit, Al-Iman huwa tasdiqun bil qalbi wa nutqun bil lisani wa amalun bil jawarih. Yakrah yubghid. Détester. Il déteste retourner à la mécréance. Al-kufr, la mécréance, le reniement. Asluhu as-sitr. Hein? Là-bas, ce mot, il veut dire caché. Il veut dire caché. Hein? C'est pour cela que les agriculteurs, hein, on les appelait aussi kuffar. Pourquoi ? Parce qu'ils cachent les graines sous la terre. Parce qu'ils cachent les graines sous la terre lorsqu'ils travaillent la terre. Lorsqu'il travaille la terre, là c'est le mot en langue arabe à la base. Et comme la personne, elle renie et elle cache, donc elle renie l'existence d'Allah, la foi en Allah, donc on leur a donné ce nom-là dans la religion. Wal-muradu bihi, et ce qu'il voulait par ce terme, c'est al-juhud, le fait de renier. Wal-nukran, wal-takdhib, et de démentir, de ne pas reconnaître. Yuqdhafu Yurma, d'être jeté dans le feu. Al-ma'na al-ijmali, le sens global, général du hadith. هذه الأربعة الأمور من وجدت فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ولذته وهي علامات حبه الصادق لله. Celui, ces quatre points. Dans le hadith, il est parlé de combien de points? Dans le hadith, il est parlé de combien de points? Trois. Là, le cheikh, il dit, ces quatre points. Pourquoi? Oui? Voilà, parce que le premier point, dedans, il y a deux points. L'amour d'Allah et de son messager, alayhi salatu wassalam. Donc l'amour d'Allah et l'amour de son messager. Dans le hadith, ils sont réunis. Là, le shir, il va à chaque point, tout seul, il sera tout seul. Donc ces quatre points, lorsqu'ils sont réunis, la personne trouvera la saveur de la foi. Et ce sont les signes de son amour véridique pour Allah. الأمر الأول, le premier point, محبة الله, l'amour d'Allah. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. L'imam ibn al-Qayyim رحمه الله تعالى dit, ibn al-Qayyim, lorsqu'on met pas al-Jawziyya derrière, donc Qayyim, il aura le alif et le lam, d'accord, l'article défini, al-Qayyim. Qayyim, c'est celui qui gère une école. Ici, parce que lui, c'est le fils de quelqu'un qui gérait, son père, il gérait une école, ou un centre, ou un institut. Donc, Al-Qayyim, celui qui le gère. Ibn al-Qayyim, le fils, comme si on disait, le fils du responsable. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, là on enlève l'alif lam, parce qu'il est modaf. Donc, il est défini par l'idafa, l'annexion. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, là le alif lam, il s'en va, puisqu'on a mis le mudafun ilayh qui est al-Jawziyya, le fils du responsable de cette école qui s'appelle al-Jawziyya. Ibn al-Qayyim, Ibn Qayyim al-Jawziyya. Vous avez compris ? Tayyib. Il dit, rahimahullah, فالله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره والانقياد لأمره. Donc Allah تبارك وتعالى a créé la création, a créé les créatures pour son adoration complète et parfaite qui comporte son amour avec le rabaissement, la soumission à son ordre. Wa aslu al-ibada est la base même du mot adoration. Mahabbatullah bel ifraduhu bil mahabba, c'est l'amour d'Allah. Même d'unifier Allah dans l'amour. L'amour qui est donné à Allah, personne n'est en droit de le recevoir. Wa an yakuna al-hubb kulluhu lillah, et tout l'amour complètement, il se doit d'être réservé, donné à Allah. Fala yuhibbu ma'ahu siwa, il n'aime personne avec Allah. Wa innama yuhibbu li ajlihi wa fihi, mais plutôt il aime pour lui, pour Allah et en Allah. كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته وأولياءه, comme l'amour qu'il a pour les prophètes, les messagers, les anges et les vertueux. فمحبتنا لهم من تمام محبته, donc l'amour qu'on leur donne à ces créatures qui sont les prophètes, les messagers, les anges et les hommes vertueux, entre, fait partie de l'amour qu'on a pour Allah Azza wa Jal. Wa laysat mahabbatun ma'ahu, et ce n'est pas un amour qu'on donne avec l'amour d'Allah. Parce que personne n'est égal à Allah, ou n'est associé à Allah, ou n'est similaire à Allah Azza wa Jal. فمحبتنا لهم من تمام محبته وليست محبة معه كمحبة من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحبه. Non pas comme l'amour qu'ont certains qu'ils donnent à des égaux qu'ils ont fait à Allah, et donc ils les aiment comme on devrait aimer Allah. Et là, hein, ça nous rappelle le verset coranique. Il fait allusion au verset coranique dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Et parmi les hommes, il y en a qui donnent des associés à Allah, des égaux à Allah. Ils les aiment comme on se doit d'aimer Allah. Et ceux qui ont la foi, qui ont la croyance, les croyants, eux, ont bien plus d'amour pour Allah. وَإِذَا كَانَتِ الْمَحَبَّةُ لَهُ هِيَ حَقِيقَةُ عُبُودِيَّتِهِ وَسِرُّهَا فَهِيَ إِنَّمَا تَتَحَقَّقُ بِاتِّبَاعِ أَمْرِهِ وَاجْتِنَابِ نَهْيِهِ. Et puisque l'amour, dans sa réalité, c'est l'adoration donnée à Allah Azza wa Jal, et le secret même de l'adoration donnée à Allah Azza wa Jal, elle ne peut se concrétiser, elle ne peut se réaliser que dans le suivi de ses ordres et interdits, en accomplissant ce qu'il nous demande et en s'abstenant de ce qui nous interdit. فَعِنْدَ اتِّبَاعِ الْأَمْرِ وَاجْتِنَابِ النَّهِ تَتَبَيَّنُ حَقِيقَةُ الْعُبُودِيَّةِ وَالْمَحَبَّةِ. C'est dans le suivi, la pratique de l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala, d'accomplir, on accomplit. Une interdiction, on s'en abstient, on s'en éloigne. Ici, la réalité même de notre amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, de notre adoration à Allah azza wa jal, elle est clarifiée. Et elle apparaît convenablement. ولهذا جعل تعالى اتباع رسوله علما عليها وشاهدا لمن ادعاها. C'est pour cela qu'Allah, élevé soit-il, il a fait du suivi du messager, sallallahu alayhi wa sallam, un signe sur l'amour qu'on a pour Allah azza wa jal. Et un témoin pour celui qui aurait cette prétention. Toute personne qui prétendra l'amour d'Allah, il faudra qu'il vienne avec ce signe. Ce signe qui vient prouver ton amour d'Allah, qui est le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Faqala ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens du verset, dit, c'est-à-dire au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si vraiment vous aimez Allah, alors suivez-moi. Voilà le signe. Voilà le témoin. Suivez-moi. Et là, une fois que c'est fait, Allah vous aimera. فَجَعَلَ اتِّبَاعَ رَسُولِهِ مَشْرُوطًا بِمَحَبَّتِهِمْ لِلَّهِ وَشَرْطًا لِمَحَبَّتِ اللَّهِ لَهُمْ. Donc, il a fait du suivi de son messager une condition pour leur amour envers Allah et l'amour d'Allah envers eux. Wa wujud al-mashrut, et si la condition elle est présente, mumtana' wa wujud al-mashrut mumtana' biduni wujud shartihi wa tahaqququhu bi tahaqquqi, et la présence du conditionné elle ne peut exister s'il n'y a pas la condition et qu'elle n'est pas réalisée. فَعُلِمَ انْتِفَاءُ الْمَحَبَّةِ عِنْدَ انْتِفَاءِ الْمُتَابَعَةِ. Et donc, on a compris là que tant qu'il n'y a pas le suivi, il n'y aura pas l'amour. Tant qu'il n'y a pas le suivi, il n'y a pas l'amour. فَانْتِفَاءُ مَحَبَّتِهِمْ لِلَّهِ لَازِمٌ لِانْتِفَاءِ الْمُتَابَعَةِ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Donc, tant qu'il n'y a pas le suivi du prophète, il n'y aura pas de cet amour. Et combien vous les voyez prétendre? La prétention, il n'y a pas plus facile. Chacun peut prétendre ce qu'il veut. Mais c'est dans la pratique qu'on va voir qui vraiment aime de celui qui n'aime pas. Donc, aimer le prophète, ce n'est pas comme toi tu veux. Ce n'est pas comme toi tu décides. Je l'aime, mais je lui désobéis. Je l'aime, mais je ne l'écoute pas. Je l'aime, mais je ne le suis pas. Ça, ce n'est pas un amour véritable. Le véritable amour, si tu l'as, tu vas obéir et écouter au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le véritable amour, si tu l'as, tu vas suivre le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Si tu aimes véritablement Allah, tu vas aimer et écouter et suivre les ordres d'Allah Azza wa Jal qui t'ordonne de suivre le prophète alayhi salatu wassalam. Wa intifa'u al-mutaba'a malzoumun l'intifa'i mahabbatillahi lahum. Et tant qu'il n'y a pas ce suivi, donc il n'y aura pas l'amour d'Allah pour eux. Non seulement eux, leur prétention d'aimer Allah, elle sera fausse du fait qu'il n'y a pas ce signe et ce témoin qui est le suivi du prophète sallam, et de ce fait, il n'y aura pas l'amour d'Allah pour eux. Hein, ceux qui prétendent, nous Allah, il nous aime. Pour le prétendre réellement, il faut qu'il y ait la présence de ce signe, la présence de ce témoin qui est le suivi convenable du prophète alayhi salatu wassalam. Et ça, ce verset, c'est le verset de l'épreuve. Les gens sont mis à l'épreuve. lorsque des juifs à Médine ont prétendu l'amour d'Allah Azza wa Jal. Et ils ont, nous aimons Allah. Allah a révélé ce verset. Si vous êtes véridique dans vos propos, dans vos prétentions, alors suivez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment-là, Allah vous aimera. Et il vous pardonnera vos péchés. Et il est le pardonneur et le miséricordieux. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فيستحيل إذن ثبوت محبتهم لله وثبوت محبة الله لهم بدون المتابعة. Donc c'est impossible, inconcevable qu'il y ait leur amour pour Allah et l'amour d'Allah pour eux sans qu'il n'y ait de suivi. Intaha, ici se termine la parole de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala. Wa thani, deuxième point, là ça concernait le premier point. Wa thani, deuxième point, mahabbatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, l'amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa hiya تابعة لمحبة الله ولازمة لها. Elle est dans le suivi de l'amour qu'on a pour Allah Azza wa Jal et elle est obligatoirement présente. Là, on a l'amour d'Allah, on a l'amour du prophète alayhi salatu wa salam. فمن أحب الله أحب رسوله وأحب جميع ما يحبه. Donc celui qui aime Allah aimera son messager et aimera tout ce que le messager aime. بل لا يؤمن العبد حتى يكون رسول الله أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين كما في الحديث التاسع. Et donc, la personne ne sera véritablement croyante que lorsqu'elle va aimer Allah, lorsqu'elle va aimer le messager sallallahu alayhi wa sallam, plus que sa propre personne, plus que ses enfants, plus que ses parents, plus que tous les gens entièrement, comme cela on l'a vu dans le hadith numéro 9. La yu'minu ahadukum hatta akuna أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ومن علامات محبة رسول الله. Et parmi les signes de l'amour du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, حب ما جاء به من الوحي كتابا وسنة. Et parmi ces signes de l'amour du prophète صلى الله عليه وسلم, c'est d'avoir de l'amour pour la révélation avec laquelle il est venu, alayhi salatu wassalam, qu'on retrouve dans le livre Al-Qur'an et la Sunna. Car comme vous le savez, le Qur'an est une révélation et la Sunna est une révélation. Les deux sont une révélation. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Qur'an, « وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Et il ne parle pas du fait de sa passion, mais ce n'est qu'une révélation qui lui a été révélée. Et dans l'autre verset, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Dans le sens du verset, et nous avons fait descendre sur toi le rappel pour que tu détailles, explique aux gens ce qui leur a été révélé. Et on a fait descendre sur toi le rappel. Ici, c'est la sunna avec laquelle il va nous expliquer ce qui leur a été révélé, qui est le Coran. Qui est le Coran. Taïb. Et parmi les compagnons, radiallahu anhum, qui disaient que l'ange Jibril, alayhi salam, descendait voir le prophète, sallam, avec la sunna comme il descendait avec les versets coraniques. Avec les versets coraniques. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il m'a été donné le Coran et son semblable avec. Ala inni utitu al-Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Le Coran et la Sunna, ils vont de pair. Jamais on ne les sépare. Jamais on ne les sépare. Ceux qui ont dit, nous, la Sunna, on n'en veut pas, ceux-là n'ont pas pris l'islam. Et ils ont dit, nous, on se contente seulement du Coran. C'est un agissement qu'ils ont inventé. Le prophète lui-même ne l'a jamais fait. Alayhi salatu wassalam. Et le Coran, celui qui nous a démontrer comment le comprendre et le pratiquer, c'est le prophète en personne, alayhi salatu wassalam. Et ces personnes veulent mettre de côté le prophète en prétendant suivre le Coran alors qu'ils contredisent complètement le Coran. Ce sont des sectes qui n'ont rien à voir avec l'islam, égarés de l'islam, même si ce sont des beaux parleurs. Et Allah sait combien il y en a des beaux parleurs, mais qui induisent les gens en erreur, et quelle erreur, et quelle gravité dans laquelle il se retrouve. Donc, ce n'est pas possible de pouvoir suivre le Coran s'il n'y a pas la Sunna. Ce n'est pas possible. Le Coran seul, sans la Sunna, tu ne peux pas. Tu ne peux pas savoir qu'il y a les 5 prières obligatoires. Tu ne peux pas savoir la façon d'accomplir la prière du début à sa fin sans la Sunna. Tu as des grands points dans le Coran et les détails, tu les as dans la Sunna. Allah nous ordonne d'accomplir la prière et le prophète nous a expliqué la prière. Allah nous ordonne de donner la zakat et le prophète nous a détaillé la zakat. Allah nous ordonne de jeûner le mois de Ramadan et le prophète nous a détaillé le jeûne du mois de Ramadan. Allah nous ordonne d'accomplir le pèlerinage et le prophète nous a détaillé comment accomplir le pèlerinage. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est un chemin qui est faux. Et les gens essaient d'une manière ou d'une autre d'induire les gens dans l'erreur. Et c'est pour cela que le Coran et la Sunna, ils vont de pair. Jamais on ne les sépare. Comme a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, « Taraktu fikum amrayni, lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati, wa lan yatafarraqa, hatta yalida alayhi al-hawd. » Donc, le prophète Sassam, il dit, et j'ai laissé entre vous deux choses. Jamais vous ne serez égarés. Jamais vous ne dévirez tant que vous y attachez. Vous retournez à eux, le Coran et ma Sunna. Et ils ne seront jamais séparés. Jamais séparés. Jusqu'à qu'ils soient, au pluriel, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, qu'il soit présenté à moi devant le Hawd, qui est le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'au-delà. وَالْإِيمَانِ بِكُلِّ مَا وَرَدَ فِيهِمَا مِنْ أَخْبَارِ. Et d'avoir foi en toute information qui nous sont citées dans le Coran et la Sunna. وَالْتِبَاعِ ما ورد فيهما من أوامر واجتناب ما فيهما من نواه وزواجر. Et de suivre tous les ordres qui s'y trouvent dans le Coran et dans la Sunna. À appliquer, il faut pratiquer. À s'en éloigner, si ce sont des interdits. والدعوة إلى الإيمان بكل ذلك. Et d'appeler à la foi en tout cela. Wa taqdimu ta'ati ar-rasul 'ala ta'ati kulli ahadin min al-khalq. Et de donner prééminence à l'obéissance du messager sallallahu alayhi wa sallam sur l'obéissance de toute autre créature. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la première créature à qui on doit obéissance. Et son obéissance, c'est une obéissance qui est donnée à celle d'Allah, Azza wa Jal. Man yuti' ar-rasul faqad ata'a Allah. Celui qui obéit au messager ne fait qu'obéir à Allah, Azza wa Jal. Wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu wattaqullah inna Allah shadidul 'iqab. Ce que le messager vous donne, prenez-le. Ce qu'il vous ordonne, accomplissez-le. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah, car Allah est douloureux dans son châtiment. Ya ayyuha alladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux qui détiennent le commandement parmi vous. Les ulama nous expliquent que l'ordre d'obéir a été répété deux fois. Alors qu'il est voulu l'obéissance d'Allah, de son messager et ceux qui détiennent le commandement. Mais ceux qui détiennent le commandement, leur obéissance, elle n'est pas indépendante. Elle dépend de l'obéissance d'Allah et de son messager. Alayhi salatu wassalam, c'est pour cela que le verbe n'a pas été répété une troisième fois. C'est-à-dire qu'on leur obéit tant qu'on est dans l'obéissance d'Allah et de son messager. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyatil khaliq. » Il n'y a pas d'obéissance à une créature si cela amène à la désobéissance du Créateur. « Innama ta'atu fil ma'ruf. » L'obéissance, elle n'est que dans le bien, dans ce qui est permis. Donc, l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle passe avant l'obéissance de l'autorité. Elle passe avant l'obéissance des parents. On leur doit obéissance, mais leur obéissance, elle n'est pas au-dessus de celle du prophète, alayhi wa sallam. L'obéissance à un savant, l'obéissance à quiconque, elle ne sera jamais au-dessus de celle du prophète, alayhi wa sallam, contrairement aux sectes égarées qui donnent le rôle ou donnent des caractéristiques à leur gourou ou à leur maître ou à leur élite au stade d'un prophète et parfois même au stade d'Allah Azza wa Jal. Wal'iyadu billah. Directement ou indirectement, volontairement ou involontairement, mais les actes, elles sont là, on les voit. Il leur donne une obéissance aveugle. Aveugle, et ils remettent en cause un verset, un hadith, pour pouvoir suivre comme ils le veulent, aveuglément, leur élite ou leur shir, et ainsi de suite. Wal'iyadu billah. فَمَنْ تَوَفَّرَتْ فِيهِ هَذِهِ الْأُمُورِ. Celui qui aura réuni, qui aura en lui ces points qu'on vient de citer, فَهُوَ مُحِبٌ لِلَّهِ حَقًّا. Celui-là, véritablement, réellement, il aimera Allah Azza wa Jal. وَإِلَّا تَكُونُ دَعْوَاهُ لِمَحَبَّةِ اللَّهِ دَعْوَا لَيْسَ لَهَا بُرْهَانٌ وَلَا سَنَدٌ. Sinon, ce ne sera qu'une prétention. Il prétend aimer Allah, mais sa prétention, elle ne comporte aucune preuve et aucun signe réel. وَالثَّالِثُ, troisième point, أَنْ يُحِبَّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. Et qu'il aime la personne, il ne l'aime que pour Allah, Azza wa Jal. La li gharadin, wa la li maslahatin dunyawiyya, wa la min ajli jahih, wa manasibih, wa inna ma yuhibbuhu lillah. Donc, il ne l'aime pas pour un intérêt, un bien mondain, ni pour se rapprocher de lui, car il a un poste, une place. Mais rien de cela est la cause de cet amour. Il ne l'aime que pour Allah Azza wa Jal. لِأَنَّهُ أَخُوهُ فِي الْإِسْلَامِ يُؤْمِنُ بِمَبَادِئِ الْإِسْلَامِ وَيَلْتَزِمُهَا وَيَحْتَرِمُهَا. Il ne l'aime que pour Allah, car il est son frère en islam. Il croit aux principes de l'islam. Il les applique, les pratiques et les respecte. فَإِذَا وُجِدَ هَذَا الْحُبُّ الشَّرِيفِ النَّزِيهِ فَذَلِكَ دَلِيلُ صِدْقِ إِيمَانِهِ وَسَوْفَ يَجِدُ بِذَلِكَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ. Donc, lorsque il y aura cet amour noble, pur, qui n'est que pour Allah Azza wa Jal, alors voilà une preuve de la véracité de sa foi. Et il trouvera avec cela la saveur de la foi. Et combien ont des problèmes là-dessus? Combien sont attirés par une personne? Faut montrer un amour, mais c'est un amour qui n'est pas réel et pas véritable. Dès que la personne allait bien placée dans ce bas monde, on voit des gens se rapprocher de lui. Dès que la personne, elle est aisée dans la vie, elle a des moyens, des richesses, les gens commencent à s'attrouper autour de lui. Combien et combien et combien? Pour un bien de ce bas monde, et ils font croire qu'il est le bien-aimé. Alors que le jour qu'il n'aura plus tout cela, il sera délaissé et oublié. C'est pour cela que souvent, un pauvre, il n'y a pas grand monde autour de lui. Il n'y a rien. Les gens ne voient pas d'intérêt à s'approcher de lui. Si ce n'est véritablement l'amour d'Allah Azza wa Jal, pour Allah Azza wa Jal. Donc la personne, elle se doit de travailler son intérieur et de vérifier réellement est-ce que cette fraternité, elle est véritable ou est-ce que c'est autre chose qui est recherchée. Combien de gens sont déçus? Parce que le moment de l'épreuve, c'est là qu'on voit la réalité. Il y a des gens, ils sont avec toi, t'es aisé, t'es bien placé, t'as tout ce qu'il faut. Et lorsque tu n'as plus rien, ils sont encore avec toi. Là, tu vois, tu reconnais comme quoi ces gens-là n'étaient pas autour de toi pour autre chose, pour un bien de ce bas monde. Et de l'autre côté, tu trouves des gens que non, tant que tu as, ils seront là. Dès qu'ils n'ont plus besoin de toi, ils t'oublient complètement pour aller s'attaquer à une autre personne. Wal'iyadhu billah. Donc, voilà l'explication d'aimer son frère, son prochain, et ne l'aime que pour Allah Azza wa Jal. Warrabi, le quatrième point, Al-Karahiyatu, Al-Shadidatu, les Kufri Billahi. Quatrième point, il nous montre la gravité et la haine qu'on doit avoir énorme de la mécréance. Car ça, c'est celui qui tombe dedans, c'est l'éternité dans le feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Donc la personne, elle fait tout pour préserver sa foi et demande à Allah le raffermissement. فَهُوَ يَكْرَهُهُ كَأَشَّدِّ مَا تَكُونُ الْكَرَاهِيَّةِ وَيُبْغِضُهُ أَشَّدَّ مَا يَكُونُ الْبُغْضِ. Donc, il déteste et il a de la haine envers la mécréance de la plus forte manière. حَتَّى أَنَّهُ لَيَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ إِلَيْهِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ. Vous avez vu l'intensité qu'a la personne de détester d'être jetée dans le feu de l'enfer, il doit avoir la même intensité dans sa haine envers la mécréance. وَلَقَدْ ضَحَّى كَثِيرٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ بِأَنفُسِهِمْ. Et combien dans l'histoire ont préféré périr que de perdre leur foi lorsqu'ils ont été mis à l'épreuve? Les croyants qui croyaient en Allah Azza wa Jal, ça ce sont des vraies personnes. C'est pas pour des raisons mondaines. On leur a fait le reproche que parce qu'ils sont croyants, parce qu'ils croient en Allah Azza wa Jal. Et dans l'histoire, on a des récits de gens qui ont été sauvagement et injustement attaqués, massacrés parce qu'ils sont croyants seulement, pas pour autre chose. Pour fermer la porte à celui qui cherche les problèmes en voulant un bien mondain, puis après, lorsqu'il est éprouvé, il dit « c'est pour ma religion que je suis éprouvé ». Et combien sont-ils aujourd'hui? Ils sortent dans les manifestations, ils sortent pour faire je ne sais quoi comme action, ils veulent le pouvoir, ils veulent qu'un tel y soit au pouvoir, et à la fin ils disent « c'est pour ma religion que j'ai été éprouvé ». Que dire de gens qui cherchent l'épreuve? Tu ne la cherches pas, lorsqu'elle arrive, elle arrive. Mais toi, il ne t'est pas demandé de chercher ou de te mettre dans une situation difficile. Donc, combien parmi les sectes égarées, puis après, ils se font passer pour des victimes? Il se peut qu'il y a des gens qui ont été induits en erreur, qui ont cru en ces beaux parleurs. Mais ce n'est pas à la base pour leur foi. Les frères musulmans, dans les pays musulmans, qu'est-ce qu'ils font? Ils font croire aux gens que eux, c'est l'islam, et face à eux, ce sont des mécréants. Parce que tous ceux qui ne sont pas dans leur mouvement, ils doutent sur leur islam. Pour eux, l'islam, c'est celui qui est à l'intérieur du mouvement. Wal'iyadu billah. Et donc, ils disent aux gens, même dans leurs élections, qu'on n'en a pas besoin en islam. Il y a une autorité, il y a des règles à respecter. C'est tout. Pas de question, il doit rester 2 ans, après il doit s'en aller. Ça n'existe pas en islam. Ça n'existe pas en islam. En islam, il y a d'autres règles. Donc, ils viennent et ils encouragent les gens à aller au vote. Mais vous savez qu'est-ce qu'ils font croire aux gens? Dans ce vote-là, c'est un vote entre l'islam et la mécréance. Voilà, c'est comme ça. Si tu votes pour quelqu'un d'autre, tu es contre l'islam. Donc les gens de la masse, ils y croient ça. Les gens de la masse, ils se font avoir. Il y en a qui disent, mais c'est pas eux les pires. Comment tu le sais que c'est pas eux les pires? Avec quoi? Qu'est-ce qui t'amène à dire cette phrase-là? Comment t'as fait pour juger? Comment tu sais c'est lequel qui est le plus grave que l'autre? Comment tu le sais? Comment un ignorant qui ne connaît pas un domaine, il peut se permettre de juger? Demande aux gens de science, et tu vois même des gens qui disent, ouais, mais je suis pas d'accord avec les ulama. Ça fait peur comme phrase. Un ignorant qui dit non, je suis pas d'accord avec eux. Eux, ils jugent avec science, toi, tu juges avec ignorance. Le sujet, il est clair, hein. Il est réglé. Subhanallah. Il est réglé. Il ne sait pas, lui, que l'innovation, c'est pire que les péchés. Hein? Que le pécheur, il y a espoir pour lui de revenir. Parce qu'il sait qu'il ne se rapproche pas d'Allah avec ses péchés. Mais l'innovateur, il y a un désespoir. Pourquoi? Parce que lui, il croit se rapprocher d'Allah avec son innovation. Donc, il ne pense même pas à se repentir de l'innovation. Ce n'est pas la même chose. De plus, ces autres parties qui sont dans l'égarement aussi, et parfois même un égarement qui peut être très grave, mais ils ne parlent pas d'islam. Jamais ils ne disent que ce qu'on fait, c'est l'islam. Et les gens de la masse, jamais on leur présente ceci comme étant de l'islam. Contrairement à ce genre de partis qui, eux, font croire que ce qu'ils font, c'est l'islam. Que ce qu'ils prêchent, c'est l'islam. Ils lui donnent l'étiquette de l'islam. Donc là, le danger, il est bien plus grand. Subhanallah. Parce que là, les gens, on les induit en erreur. En leur faisant croire qu'une chose est islam, alors que l'islam en est innocent. Wal'iyadu billah. À la colline, c'est pour dire que la personne qui obéit à Allah Azza wa Jal, elle est amenée à être éprouvée. Et parfois, l'épreuve, elle peut être dure. Donc, il y en a qui en sont arrivés à perdre leur vie, mais pour leur foi, pas pour autre chose. وَآثَرُوا أَنْ يُلْقَوْا فِي الْهَلَاكِ عَلَى حَيَاتٍ تَعُودُ بِهِمْ إِلَى الْكُفُرِ. Et ils ont préféré périr que de rester en vie, mais quitter la religion et rejoindre la mécréance. كَمَا قَصَّ اللَّهُ عَلَيْنَا قِصَّةَ أَصْحَابِ الْأُخْدُودِ. Comme Allah nous a cité dans le Coran, le récit des gens du fossé. Des gens du fossé. فَقَالَ, c'est la sourate Al-Buruj, d'accord? Al-Buruj, ils traduisent par les constellations, c'est ça? طيب. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ. Dedans, Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de ce peuple, de ces gens croyants, et qu'un roi les a punis d'avoir cru en Allah Azza wa Jal. Leur seul mal pour lui, pour ce roi-là, c'est qu'il soit croyant. Qu'il soit croyant. Et il a demandé qu'on creuse un fossé, qu'on y mette le feu, et il jetait les gens dedans. Quand il a ashab al-Ukhdoud, النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. dans le sens des versets. Donc, les gens du fossé, les croyants, ont été tués par ce roi et son armée. Et ils étaient assis sur les abords de ce fossé, regardant ces gens périr. Seulement pourquoi ? Parce qu'ils étaient croyants. Et ils sont bien témoins de ce qu'on a fait de ces croyants. Et quel était leur reproche ? Et ça, c'est Allah, tabaraka wa ta'ala, celui à qui rien n'échappe. Il nous dit, la seule chose qu'ils leur ont reproché, c'est de croire en Allah, le puissant, le digne de louange. Subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un long récit qu'on retrouve dans Sahih Muslim, Ashab al-Ukhdud. On a ces versets coraniques et on a le long récit qui est dans Sahih Muslim. C'est l'histoire de l'enfant, Al-Ghulam. C'est l'enfant, d'accord, qui a appris chez un homme de religion, parce qu'il allait chez un sorcier et un homme de religion. Puis il va comprendre que c'est l'homme de religion qui lui enseigne les bonnes choses et que l'autre, ce n'était pas bon. Puis, plus tard, le roi va prendre connaissance de cet homme de religion qui était caché parce que l'enfant va être torturé. Il va lui dire la vérité. Et puis, cet homme de religion sera tué. Puis cet enfant, ce roi voudra le tuer de maintes manières, mais il ne pourra pas. Et il ne pourra pas. Puis l'enfant lui dira, la seule façon de pouvoir me tuer, d'accord, c'est que tu réunis tout le monde. Tu réunis tout le monde. Et une fois que tout le monde est présent, tu prends ton arc avec la flèche et tu me vises. Mais en disant, au nom du Seigneur de l'enfant. Au nom du Seigneur de l'enfant. Lorsqu'il va le faire, la flèche va atteindre cet enfant et là tout le monde va croire. C'est ça qu'il voulait l'enfant, c'est que les gens entrent dans la foi. Et là, les gens vont être éprouvés pour leur foi. Le hadith, on le retrouve dans Sahih Muslim. Tilka qissatun azimatun min qasasi al-iman wa tadhiyatun ra'i'atun fi sabil al-iman. Voilà un grand récit parmi les récits de la foi. Et ça montre aussi la souffrance qu'ont eu ces gens dans le chemin de la foi. على المؤمنين بالله الصادقين في إيمانهم أن يأخذوا منها عظة وعبرة وأسوة. Donc, les croyants véritables qui ont la foi véridique se doivent de prendre des leçons de ces récits et de les considérer comme un chemin à suivre. ما يستفاد من الحديث. Les leçons à tenir du hadith. Halawatul iman, la saveur de la foi. Al-ladhatun nafsiyya allati yajiduha man tawaffarat fihi hadhihi al-khisal. C'est cette saveur intérieure que retrouve celui qui a réuni tous ces points. أن المؤمنين من أبرز صفاتهم أنهم يحبون الله. Que les croyants, parmi leurs caractéristiques qui les distinguent le plus, c'est leur amour pour Allah. وأن الله يحبهم كما قال تعالى يحبهم ويحبونه وفيه الرد على من ينكر هذا من المبتدعة. Et aussi, il y a parmi les leçons qu'Allah تبارك وتعالى les aime. Eux, ils l'aiment et lui, il les aime, comme le Très-Haut dit dans le sens du verset, il les aime et eux l'aiment. Et là-dedans, il y a une réfutation à ce qu'ont renié les innovateurs à ce sujet. وَأَنَّهُ يَنْبَغِي فِي عَلَاقَةِ الْمَرْءِ بِالنَّاسِ أَنْ تَقُومَ عَلَى أَسَاسٍ صَحِيحٍ مِنَ الْحُبِّ فِي اللَّهِ وَالْوَلَاءِ. Donc il est demandé dans la relation de la personne avec les gens que cette relation soit basée, fondée sur une fondation authentique, véritable dans l'amour pour Allah et l'alliance pour lui, subhanahu wa ta'ala. Wa anna min fawa'idi hadha at-tajarrud wa an-nazaha an yadhuqa halawat al-iman. Et donc, pour terminer, parmi les leçons, c'est qu'il goûte à cette saveur de la foi. Donc voilà pour cette fin de l'explication de ce hadith. Nous remercions Allah tabaraka wa ta'ala et le louons de nous avoir permis de pouvoir faire une étude, bref soit-il, mais inshallah qu'elle a été profitable pour tous. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.